25 ans, Mickey Litchi, beau. D'abord tout maillé. Il n'y a pas de petit palat. Il nous faut comment Annie, il faté tu le fara. Oh, il y a est d'abord tout maillé. Nous on t'aime pas me sauter ou l'air. Nyonte muso wara dona, wia paninya ngalung. Il n'y a pas de petit palat. Ce sont les petites rivières qui mènent à l'océan. Ce sont les petites rivières qui forment les océans. Mom, 5 ans.